Continuez, c'est bien. Qu'on voit les hommes du vieux monde à l'œuvre. Puisque le passé s'obstine, regardons-le. Voyons successivement toutes ces figures. À Tunis, c'est le pal. Chez le tsar, c'est le knout. Chez le pape, c'est le garrot. En France, c'est la guillotine. En Angleterre, c'est le gibet. En Asie et en Amérique, c'est le marché d'esclaves. Ah, tout cela s'évanouira. Nous, les anarchistes, nous, les démagogues, nous, les buveurs de sang, nous vous le déclarons, à vous, les conservateurs et les sauveurs. La liberté humaine est auguste. L'intelligence humaine est sainte. La vie humaine est sacrée. L'âme humaine est divine. Pendez maintenant. Prenez garde. L'avenir approche. Vous croyez vivant ce qui est mort, et vous croyez mort ce qui est vivant. La vieille société est debout, mais morte, vous dis-je. Vous vous êtes trompé. Vous avez mis la main dans les ténèbres sur le spectre, et vous en avez fait votre fiancée. Vous tournez le dos à la vie. Elle va tout à l'heure se lever derrière vous. Quand nous prononçons ces mots, progrès, révolution, liberté, humanité, vous souriez, homme malheureux, et vous nous montrez la nuit où nous sommes et où vous êtes. Vraiment, savez-vous ce que c'est que cette nuit? Apprenez-le. Avant peu, les idées en sortiront énormes et rayonnantes. La démocratie, c'était hier la France. Ce sera demain l'Europe. L'éclipse actuelle masque le mystérieux agrandissement de l'astre. Je suis, monsieur, votre serviteur, Victor Hugo. Marine Terrasse, 11 février 1851.